Allez les camarades, on se rassemble, on se réunit, les prises de parole vont commencer. Ce sera sur la gauche du Bernard me concernant, donc vous je pense que ce sera sur votre droite. Voilà. Non moi je suis bien positionné, tu vois, je suis à gauche. Allez les camarades, dans 2-3 minutes les prises de parole. Alors on se rassemble sur le... On veut écouter ce qu'il y a à dire. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer, s'il vous plaît, la prise de parole. Merci. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes réveillés? À toi, Élodie. Merci. Camarades, depuis des mois, depuis des années, on encaisse. On encaisse les réformes antisociales, les reculs de droits, le mépris, l'arrogance d'un gouvernement coupé du réel qui gouverne à coups de matraque et de 49-3. Pendant qu'on se lève tôt, qu'on travaille dur, qu'on galère pour vivre dignement, les riches s'enrichissent, les actionnaires se gavent et les grands groupes font des profits records. Et pendant ce temps-là, que fait le gouvernement? Il casse nos droits, il attaque l'assurance chômage. Il s'en prend aux plus précaires, aux plus fragiles. Il réduit l'indemnisation des arrêts maladie. Donc il faut être malade, mais pas trop longtemps, pas trop souvent, et surtout pas trop cher. C'est ça leur logique, faire des économies sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Ils nous ont volé 2 années de vie avec la réforme des retraites. 2 années de fatigue en plus. 2 années volées à nos proches, à notre santé, à notre droit au repos. Ils ont osé passer en force, sans vote, sans débat, contre l'avis de la majorité du pays. C'est une violence sociale et démocratique. Dans les hôpitaux, le personnel tient à bout de bras un système qu'on laisse s'effondrer. Manque de personnel, de lits, de reconnaissance. Les soignants craquent, les patients attendent et le gouvernement reste sourd. Ils veulent démanteler l'hôpital public pour mieux livrer la santé aux assureurs et aux cliniques privées. Dans les écoles, les collèges, les lycées, même combat. Des moyens au rabais, des classes toujours plus surchargées, des enseignants en nombre insuffisant, mal payés, épuisés, précarisés, méprisés. Bref, une école sacrifiée. Il ne faut pas oublier les autres personnels, les ATSEM, les AESH, les assistantes sociales, infirmières, psychologues et médecins scolaires qui contribuent au bien-être des élèves et qui sont en nombre très insuffisant au regard des besoins. Les AESH, accompagnants des élèves en situation de handicap, sont majoritairement des femmes payées sous le seuil de pauvreté et à temps partiel imposé. Sans oublier les personnels administratifs ou agents territoriaux payés proches du SMIC. Dans les universités, les crédits sont asséchés. La très grande majorité d'entre elles n'aura pas les moyens de finir l'année et seront en déficit avant la fin de l'année 2025. Il manque 1 milliard dans les caisses. On doit désormais former des citoyens et des citoyennes comme on gère des stocks. Résultat, c'est l'égalité qui recule, c'est l'avenir qu'on sabote. Et l'enseignement privé sous contrat ou hors contrat poursuit sa politique de tri social. Et pendant que ça s'effondre, que le pays se tend, que les colères grondent, le gouvernement, lui, continue de servir les mêmes intérêts, ceux du capital, de la finance, du patronat. Et pour en ajouter une couche, dans le contexte international, avec le retour des impérialismes de Trump aux États-Unis, de Poutine avec la guerre en Ukraine, ou de Netanyahou avec le génocide perpétré à Gaza par le gouvernement israélien, le gouvernement français accentue les peurs. Parle de guerre à nos portes et d'une nécessaire économie de guerre. Si le pays doit être en capacité de se défendre, cette question du réarmement ne peut pas remettre en cause les droits sociaux et faire payer les travailleuses et les travailleurs, les sans-emploi, les jeunes, les retraités. Pour atteindre son objectif, le gouvernement veut faire des économies et refuse de taxer les riches, les actionnaires et l'héritage. Depuis 15 ans, le travail rapporte beaucoup moins que le capital et le gouvernement continue. 40 milliards qui seront pris sur les plus fragiles, et les salariés et les retraités de notre pays. Quand les droits sociaux seront mis en cause et quand le gouvernement attaque les services publics, il enlève la richesse de celles et ceux qui n'ont rien. Oui, il y a de l'argent, il y en a, mais dans les poches des actionnaires et du patronat. Et si cela ne suffisait pas encore, le gouvernement chasse sur les terres de l'extrême droite. Retailleau, Darmanin et d'autres rivalisent d'idées. Les plus réactionnaires, espérant récupérer les voix de l'extrême droite. La dernière de Darmanin, faire payer les personnes emprisonnées dans des prisons surpeuplées et dans des conditions inacceptables. Dans ce contexte, l'extrême droite avance. Elle profite du désespoir pour faire son miel de la peur, pour diviser, pour pointer du doigt les plus pauvres, les étrangers, les minorités. Mais l'extrême droite ne défendra jamais les travailleuses et les travailleurs. Elle ne veut ni justice sociale, ni partage des richesses. Elle veut le silence, la soumission, la haine. Face à tout cela, on ne se taira pas. On ne baisse pas les yeux, on ne baisse pas les bras. On se bat pour une société plus juste, plus égalitaire, plus humaine. Et ce combat, camarades, il se gagnera pas seul, ni chacun dans son coin. Il se gagnera par la lutte, par la grève, par la mobilisation générale. Il se gagnera si on est unis, nombreux et déterminés. Et encore un morceau. Nous continuons toujours à combattre ces politiques dévastatrices en exigeant l'amélioration des carrières, la reconnaissance des qualifications, l'égalité professionnelle, le renfort du statut, des conditions de travail et une augmentation immédiate et importante des salaires et de la valeur du point d'indice des agents et agentes de la fonction publique, dont l'indice est bloqué depuis 2 ans. Et nous nous opposons à l'instauration d'un salaire au mérite pour tous les fonctionnaires. Dans la fonction publique, la CGT, la FSU, Solidaire, l'UNSA et la CFE-CGC seront mobilisés le 13 mai prochain pour les salaires, les conditions de travail, les services publics. Pour conclure, camarades, la lutte continue. Il ne faut aucun regret, aucun remords pour combattre toute cette casse organisée depuis des années. Notre avenir nous appartient pour les salaires, pour nos retraites, pour notre santé, pour nos enfants. Mobilisons-nous avec courage pour faire respecter nos droits. N'acceptons pas la défaite. Restons un peuple libre, égal et fraternel dans le combat. Alors, relevons la tête. Rappelons-leur qui fait tourner ce pays. Ce n'est pas les patrons, ce n'est pas les actionnaires, c'est nous. On ne lâche rien. Bon 1er mai à tous et à toutes. Bonjour les travailleuses, travailleurs et retraités. Et bonne fête, car cette journée est la vôtre. Et pas question qu'on ne la reprenne. Aujourd'hui en France, 60% des retraités perçoivent une pension inférieure au SMIC. 31% des retraités gagnent moins de 1000 euros par mois, dont 74% sont des femmes. 11% des retraités vivent en situation de pauvreté, voire misère, avec une pension moyenne de 790 euros par mois. 700 000 retraités n'ont plus de complémentaire santé ou mutuelle. 1,6 million de retraités ne se soignent plus, ou peu. Et d'après Macron et ses laquais, les retraités sont des nantis. Ils osent dire que le niveau de vie des retraités est plus élevé que celui des actifs, alors qu'une fois à la retraite, c'est 20 à 25% de salaire en moins. On entend la petite musique monter sur la suppression des 10% d'abattement fiscal dont bénéficient les retraités pour rembourser le trou que les politiques et surtout Macron ont creusé. Les cadeaux fiscaux et exonérations de cotisations données aux entreprises représentent un peu plus de 250 milliards par an, sans oublier l'évasion fiscale qui se situe entre 80 et 100 milliards. Et Martin ose dire que ce ne sont pas des aides, mais des compensations. Quelle honte, quel mépris quand on sait que plus de la moitié part dans la poche des actionnaires. De l'argent, ils savent en trouver pour entretenir leur guerre. Nous réclamons de l'argent pour nos pensions, pas pour les canons. Et sans sacrifier l'éducation nationale, la santé, la culture ou même le sport. Nous demandons l'abrogation de la dernière réforme des retraites et le retour de l'âge de départ à 60 ans, comme demandé par 73% des salariés. Et nous refusons toute retraite par capitalisation. Enfin, nous ne voulons pas qu'ils sacrifient notre sécurité sociale, car elle nous appartient. Nous demandons que la population bénéficie d'une protection sociale digne du 21e siècle, comme le prenait Ambroise Croizat, soit de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Bonne journée à vous, bon 1er mai, à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bon 1er mai. Je suis représentante du centre hospitalier de Boulogne, forcément CGT. Je n'ai rien préparé spécialement par écrit, par contre, je me devais de vous faire un petit point à la population boulonnaise sur la situation de notre établissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre établissement est en déficit budgétaire. Tous les hôpitaux de France creusent les dettes. Leur budget s'effondre, c'est stratégique. C'est le gouvernement qui met tout en place pour qu'on arrive là, pour crever tous les piliers de la République, dont celui de la santé. Je vais quand même évidemment parler de la fermeture du service de la maternité, de nos camarades qui ont perdu leur emploi au niveau de la clinique. C'est stratégique, encore une fois. Ce service, ne semble-t-il, ne rapporte pas assez de pognon. Donc on dégage les gens avec un mépris total pour certains qui sont là depuis 30 ans. Hein. Voilà, donc ça, on peut que le déplorer forcément. Maintenant, nous, on a notre hôpital public qui est en face et qui ne va pas bien du tout. Donc il faut récupérer du pognon. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la meilleure façon de récupérer du pognon, c'est les salariés. Voilà. Donc on va rentrer dans une phase compliquée dans l'établissement où la masse salariale va tendre vers le bas. Voilà. Donc chez nous, on a des contractuels. Alors on est sous statut, hein, forcément, en fonction publique. On a de plus en plus de contractuels qui rentrent chez nous. Mais jusqu'à présent, nos contractuels restaient chez nous. Restaient chez nous parce que ce n'est pas des emplois fictifs comme dans certains partis. On est tous des travailleurs et on gagne notre salaire par notre labeur. Voilà. Donc ces gens vont se retrouver sur le carreau. On met à bas leur projet de vie, leur projet professionnel. On met un terme à des projets. Et donc la prise en soin va forcément, la prise en charge des patients, on appelle ça la prise en soin, c'est-à-dire qu'il y a forcément, à un moment donné, il y aura moins de monde auprès du patient dans les chambres. Alors, on est le plus gros employeur du Boulonnais. Juste pour vous donner un chiffre, mais je pense que personne n'a le volume, on est 2800 personnes à travailler à l'hôpital, sans les médecins. C'est considérable. C'est considérable. Donc la masse salariale va descendre. On n'arrive pas à savoir à combien elle va descendre. Pour l'instant, il y a un plan d'efficience, hein, c'est les beaux mots. Il y a un plan d'efficience qui est mis en place pour essayer de rééquilibrer les choses. Avec des recettes, parce que quand on prend en charge des patients, bah, c'est des recettes qui rentrent. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et fin de compte, les financements de l'État diminuent de plus en plus, avec des cotisations qui augmentent de plus en plus. Voilà. Donc, fin de compte, l'un dans l'autre, l'objectif est bien mené, crever les hôpitaux publics pour donner la main aux privés, bien sûr. Voilà. Donc, je ne pouvais pas passer sur cette journée sans vous alerter, parce que vous êtes tous boulonnais et environnants, donc vous êtes tous concernés. Voilà, forcément, donc hier, nous avons organisé une assemblée générale des personnels pour tenir informé de la situation telle que nous la connaissons, ce qui n'est certainement pas le reflet de la réalité vers laquelle nous allons. Parce que plus on cache les choses, et mieux c'est, et moins on permet la colère de monter. Mais la colère, elle monte, elle gronde, et nous sommes auprès des salariés pour nous faire entendre et pour faire en sorte que les citoyens soient soignés dans les meilleures conditions possibles, avec des conditions de travail pour les agents hospitaliers les moins pires possibles. On va parler dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très belle journée et on aura certainement plaisir à se retrouver sur le centre hospitalier pour en échanger. Voilà, merci à vous. Il y a la chorale à cœur et à cri qui va chanter juste derrière. Voilà. On vous écoute.